الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عافني الله وإياكم. Amin. Donc, comme convenu, on va commencer un livre, ou du moins un chapitre, qui s'appelle, une matière plutôt qui s'appelle le tafsir, l'explication du Coran. Donc, l'explication du Coran, il y a eu beaucoup d'exégèses depuis. Bon, ça a toujours existé, sauf que ce n'était pas répertorié et. Inscrit, parce que forcément le tafsir, l'explication, n'a été que une transmission orale dans un premier temps des sahaba radiallahu anhum ajma'in, et qui ont transmis donc à leurs enfants, qui ont transmis jusqu'à ce qu'au moment où la science a commencé à être inscrite dans des manuscrits et ainsi de suite, là à ce moment-là, on a eu cette science qui s'est constituée à part entière. Et donc les tafsirs, il y a plusieurs tafsirs. On va pas revenir sur l'historique du tafsir, comment il est venu jusqu'à nous aujourd'hui, quel type de tafsir on a utilisé, de quel sahaba exactement on a pu tirer tous ces tafsirs. Donc je vais pas revenir sur l'historique, on va prendre juste le tafsir. Dans un premier temps, c'est l'histoire que chacun ait quelques éléments, des notions. Et au fur et à mesure, Inch'Allah, il pourra compléter ses connaissances dans ce sujet-là. Donc voilà. Alors, on va faire le tafsir, qui est un tafsir les plus connus, les plus reconnus, les plus répandus. Et donc, le tafsir qu'on va faire, c'est un tafsir qui est connu, répandu, accessible, qui s'appelle Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, de l'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir, bon, on verra plus tard, on fera une petite introduction, mais sur chaque imam, c'est bien d'avoir un peu le parcours, le type d'imam qu'on prend la science, ainsi de suite. Tafsir al-Qur'an, donc comme j'ai dit, Ibn Kathir, qui est un des contemporains et un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, et qui a été aussi donc à l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim. Il a écrit donc pas mal de livres qui sont connus et reconnus, et des références. Il a amélioré son travail. Donc sur la Al-Fatiha, on va commencer. Donc tafsir al-Qur'an, ça va être justement des notions, histoire de. Le tafsir, c'est l'explication des versets. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les versets sont descendus à des moments précis, bien spécifiques, et ils concernent une situation. Et ces situations peuvent être, elles peuvent correspondre à des situations plus larges. D'accord? Donc, le tafsir, en fait, c'est les causes de la révélation. C'est que les versets sont descendus en fonction de certaines situations et des cas de figure. Et en fait, c'est ça le tafsir. Donc, finalement, c'est pas qu'une explication. On appelle ça asbab al-nuzul, les causes de la révélation. طيب، donc on va commencer par sourate al-Fatih. Aujourd'hui, ça va être plus une on va se familiariser et après on rentrera un peu plus dans le sujet. Et après, bon, je pense qu'on procédera par ordre de priorité. On fera donc sourate al-Fatih, inshallah. Ensuite, on fera ayat al-Kursi. En fait, on va essayer de faire l'explication de ce qu'on utilise généralement pour que ça puisse nous donner plus de force, plus de psychologique, mental, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans notre prière ou dans ce qu'on va invoquer ou ainsi de suite, on aura le sens de ce qu'on dit et on visera ce qu'on dit. C'est pour ça que la science a son importance. Alors, Sourate al-Fatiha. On va commencer par Sourate al-Fatiha. Alors, Sourate al-Fatiha, وهي مكية وقيل مدنية ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. La sourate al-Fatiha, il y a des savants qui nous disent que c'est une sourate mécoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à la Mecque. Et il y a d'autres, quand ils disent, il y en a qui disent, ils parlent certainement des sahaba et de ceux qui les ont suivis parmi les savants de cette communauté. Donc il y en a qui disent qu'elle est mécoise, ou il y en a qui disent qu'elle est médinoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée ou à la Mecque ou à Médine. Et il y en a d'autres qui disent qu'elle a été descendue en deux parties. Nazalat marratay, où elle a été descendue deux fois. Marra bimakka, une fois à Mecca et une fois à Médine. Donc vous allez voir qu'en fait il y a plusieurs avis. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de divergence en soi. Donc, sourate al-Fatiha, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en train de lire des livres qui sont connus, réputés, étudiés par la majorité des gens de science et des étudiants et des prédicateurs, ainsi de suite. Je dis, j'essaie de, alhamdoulilah, grâce à Allah, dans le cheminement dans lequel je suis, j'essaie de vous faire en même temps partager. Donc, des références, alhamdoulilah, unanimement reconnues. Donc, Ibn Kathir, il a rapporté toutes ces paroles, et donc tous les avis qu'on vient de donner, c'est plusieurs avis, et au fur et à mesure qu'on va avancer, ça sera détaillé. Donc, il y a eu plusieurs avis, et aucun avis, en fait, se contredit, vous allez le voir à travers les hadiths. Donc, wal-awwal ashbah est le premier avis, et le plus proche ou le plus clair. C'est que cette sourate est une sourate mekkoise. وهي سبع آيات بلا خلاف. Et c'est une sourate qui est composée de 7 versets sans divergence. Aucune divergence entre toutes les écoles, même les différentes factions égarées. Tous sont unanimes à dire que la sourate al-Fatiha est composée de 7 versets. وإنما اختلفوا في البسملة. Mais ils ont divergé, les gens de science, au sujet de la basmala. Qu'est-ce que la basmala? C'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc la basmala, ça veut dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc les savants, ils ont divergé sur ce verset-là. Est-ce qu'il fait partie de Sourate al-Fatiha? Ou est-ce que c'est un verset qui introduit la sourate, comme on le voit dans toutes les autres sourates? D'accord? Sauf Sourate al-Tawbah, la sourate 9. Toutes les sourates commencent par Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, il y a une divergence chez les savants, et la divergence était au niveau de est-ce qu'elle fait partie Bismillahirrahmanirrahim de Sourate al-Fatiha, ou est-ce que c'est comme les autres sourates? C'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrante. هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن الجمهور قراء القراء عن الجمهور قراء الكوفة وقيل جماعة من الصحابة والتابعون وخلق من الخلاف أو بعض آيات. Donc la question par rapport à la basmala, c'est donc est-ce qu'elle fait partie de la sourate, ou est-ce qu'elle est est-ce qu'elle fait vraiment partie de Sourate al-Fatiha, ou est-ce qu'elle est elle est détachée de Sourate al-Fatiha en soi. c'est-à-dire dans la manière dont elle a été révélée. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants et des récitateurs, en fait, des lecteurs de Coran. Parce que ceux qui sont le plus savants dans cette question-là, ce sont les récitateurs. أولا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه ثقات. Donc, est-ce qu'elle a été donc révélée avec sourate al-Fatiha ou est-ce qu'elle est séparée de Sourate al-Fatiha. Complètement, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a été séparée complètement du fait qu'elle ne fait pas du tout partie de partie. Là, voilà, là, on va rentrer dans des divergences, des différents avis en fonction des écoles, chez les récitateurs. On va rentrer dans différentes divergences chez les gens de science dans la langue arabe, parce que ça touche aussi la langue arabe. Donc voilà. Donc je reprends la lecture. Donc voilà. De toute façon, il a dit, on va voir ça en détail dans les passages qui vont suivre. قال البخاري في أول كتاب التفسير. L'imam al-Bukhari, celui qui a écrit. Celui qui a composé Sahih al-Bukhari, a dit dans la partie ou dans le chapitre de Tafsir, parce qu'il a dans le livre de l'imam al-Bukhari, les hadiths, il y a une partie ou un chapitre qui parle du Tafsir. Il dit, « Wasummiyat Umm al-Kitab », elle a été appelée aussi, donc Sourate al-Fatiha, elle a été appelée la mère du livre, Umm al-Kitab. Bon, je vais essayer de certains mots, pas les traduire, parce que ça dénature le sens, enfin le mot. Donc, elle a été appelée Umm al-Kitab, li'annahu yabda bi-kitabatiha fi al-mushahif. Pardon. Elle s'appelle donc la mère du livre, parce que elle est utilisée à chaque écriture. À chaque début de du mushaf, c'est le Coran, c'est les livres, les Coran, voilà. Donc ils disent qu'elle est elle fait partie, elle s'appelle Umm al-Kitab parce qu'en fait elle commence, elle ouvre, d'accord, وَيَبْدَأَ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ. Donc on va voir les différentes opinions qui démontrent pourquoi ils l'ont appelée la mère du livre. Donc la première des choses, c'est que tous les livres sont écrits pour tous les mushafs, donc en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et par Fatiha bien sûr. Ensuite, c'est ce qu'on récite dans toutes nos sourates. Donc on ouvre la prière par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Voilà. Et faut pas oublier, juste un petit rappel, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les cours, dans les invocations, on commence pas par Surat al-Fatiha. On commence par Takbir, ensuite Dua al-Istiftah, l'invocation d'ouverture, ensuite Al-Isti'adha Billah min al-Shaytan al-Rajim, de demander la protection d'Allah contre le Shaytan, et ensuite on commence par بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره jusqu'à la fin. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. Et il est aussi dit que elle était appelée aussi ainsi car elle fait revenir en fait à l'essence ou à l'essence au Coran tout entier. En gros, je ne sais pas si vous avez compris, donc arrêtez-moi si ce n'est pas très clair. J'essaye toujours de tourner les choses d'une différente manière pour que j'adapte en fait chaque en fonction de sa compréhension, mais elle s'appelle donc comme ça pour les différentes choses qu'on a citées, et en même temps parce qu'elle englobe le Coran tout entier. Donc sourate al-Fatiha, c'est pour ça que le compagnon subhanallah, ils avaient un impact ou l'impact de sourate al-Fatiha en eux, elle avait un effet considérable. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils connaissaient tout ça. Et c'est ce qu'on espère qu'Allah nous donne cette réponse, parce que c'est bien fait pour qu'on puisse avoir plus de crainte, d'humilité, de concentration dans notre prière, et ainsi de suite. Donc, sourate al-Fatiha, pourquoi elle s'appelle aussi comme ça? Donc, c'est parce qu'en fait, elle englobe tous les sens du Coran. Les rujou' ma'ani al-Qur'an kulluhum. Parce qu'elle revient à tous les sens, c'est-à-dire tous les sens qu'il y a dans le Coran, des versets et des sourates, reviennent à sourate al-Fatiha. Si vous voulez, en gros, c'est sourate al-Fatiha, pourquoi il appelle la mère? Parce que tout découle de sourate al-Fatiha. J'ai donné quelques avis des savants concernant pourquoi elle a été appelée Umm al-Kitab. D'accord? Et on va continuer. قال ابن جرير والعرب non c'est j'ai un trait pour m'arrêter là. Oui, on parle parce que là franchement ça c'est en fait le cheikh qui a écrit le livre, c'est un muhaddith rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. C'est un grand muhaddith donc qui a corrigé donc le livre de Ibn Kathir, pas dans le sens où il a fait des erreurs le cheikh l'imam Ibn Kathir, non, c'est qu'en fait ceux qui sont venus après malheureusement, il se peut qu'il y a des ennemis de l'islam, ainsi de suite, qui ont amené des choses, qui ont inventé des choses, et qui ont ajouté des choses, et qui ne fait pas partie du texte original que l'imam Ibn Kathir a écrit. Donc, quand on parle de tahrir, de correction, c'est de retirer tout ce qui n'est pas propre à ce que l'imam a voulu transcrire. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des livres de tahrir, des livres muhaqqaq, des livres qui sont corrigés. Parce que, malheureusement, voilà. Alors. ويقال لها أيضا الفاتحة. Donc ويقال لها أيضا et on l'appelle aussi الفاتحة. الفاتحة en soi ça veut dire quoi? L'ouverture. D'accord. Donc l'ouverture. لأنها تفتح بها القراءات. Non, القرآن. Non. القراءات. القراءات. Pourquoi on appelle la sourate de l'ouverture? Parce que c'est avec celle-ci qu'on commence les lectures. D'accord? وافتتحت الصحابة بها كتاب المصنف المصحف plutôt الإمام. Donc elle a été aussi appelée ainsi parce qu'elle ouvrait, donc c'était une sourate par laquelle on ouvre le Coran commence par ça. Donc l'ouverture. En fait, comme vous pouvez le voir, finalement, tous ces mots qui s'essencent se rejoignent quelque part. Chacun avec son avis et en fonction de la compréhension qu'Allah lui a donnée, mais ce sont des avis qui se rejoignent finalement. Ils se complètent. Et il y a aussi une autre appellation où on l'appelle les sept sens ou les sept. On appelle aussi Sab'a al-Mathani ou al-Qur'an al-Azim. Ce sont les versets qui donnent les sept sens. D'accord? Donc elle a été aussi citée comme ça. Pourquoi? On va le voir tout de suite. قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. Donc elle a été appelée ainsi car c'est avec ceci qu'on ouvre aussi la prière. On ouvre la prière avec bithana, avec la louange, avec le fait de louer. D'accord? Fataqra'a fi kulli rak'a, et tu le récites, et parce qu'on le récite dans chaque rak'a. Wa in kana lil mathani ma'na akhar ghayra hadha, et s'il y aurait un autre sens que celui-ci de sab' al mathani, كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. On le verra très prochainement dans son moment, à son moment. C'est-à-dire dans son rappel, dans son explication, parce que elle fait à peu près, voilà. Et encore, c'est condensé, parce que c'est un abrégé qu'on a. Elle fait à peu près une dizaine de pages. Donc on le verra sûrement dans d'autres passages. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن. دونك لا البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا aussi appelé أم القرآن la mère du Coran وهي سبع المثاني elle est les sept sens. Sourate, là on parle bien, attention, ne vous perdez pas, on ne parle pas du Coran, hein, on parle du le sujet, c'est on parle de Sourate al-Fatiha, son exégèse, donc là on parle de son essence, ses différents termes, pourquoi ils ont été appelés ainsi chez les gens de science. Et quand on parle des gens de science, on parle forcément, on revient au Sahaba, radiallahu anhum, et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi ils l'ont appelé Sab'ul Mathani, pourquoi Allah l'a appelé parce que c'est Allah qui l'a appelé dans un verset Sab'ul Mathani, d'accord. Donc Sab'ul Mathani, les sept sens, je ne sais pas si on peut traduire ça comme autrement, les sept sens. وهي قرآن العظيم, et c'est le Coran, le noble Coran. ورواه ابن جرير ايضا بنحوه ورواه, donc là c'est un savant du hadith, il va rapporter d'autres compagnons, d'autres exégètes, d'autres grands imams qui ont eu cet avis. ورواه الحافظ ابو بكر احمد ابن مردوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات. Donc, il a dit, le prophète sallam, d'un hadith rapporté par Abu Huraira, que Alhamdulillahi Rabbil Alamin est composé, donc en fait il parle de Fatiha, elle est composée de sept versets. Ayat, سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de ces versets. Wa hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-'azim. Et elle est composée donc de sept sens. Donc sourate al-Fatiha, elle a plusieurs c'est pas qu'elle a plusieurs sens, elle a plusieurs sens dans le, mais tout ce qu'elle englobe, en fait elle englobe le Qur'an tout entier. Tout découle de sourate al-Fatiha. وهي أم الكتاب, donc elle s'appelle أم الكتاب et أم القرآن, donc c'est la mère du Coran ou la mère du livre, c'est-à-dire c'est elle qui introduit, qui ouvre. Ça va, vous avez compris jusqu'ici? D'où l'importance, le fait que Allah il nous a demandé de le réciter et qu'il lui a donné tous ses sens ou tous ses noms avec tout ce que ça peut englober comme compréhension, l'importance de Sourate al-Fatiha. Et on voit très bien pourquoi les compagnons faisaient la Ruqya juste avec Sourate al-Fatiha. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le sens des choses, des mots, et ça n'a pas, forcément ça n'a pas eu le même effet. Ça n'avait pas le même effet que nous aujourd'hui. وفاتحة الكتاب, donc voilà, j'avais coupé le mot en fait, pas la phrase, donc أم الكتاب et فاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه أو مثله. Il a été aussi rapporté par الدارقطني, c'est un grand savant du hadith aussi, qui a rapporté un hadith de Abu Huraira. مرفوعا, c'est le degré du hadith. Et il a dit qu'il aura été rapporté dans les mêmes termes. وَقَالَ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ. Il a dit, tous ceux qui ont rapporté ça, ils sont intègres dans leurs propos. وَرَوَاهُ الْبَيْهَاقِيُّ عَنْ عَلِي إِبْنُ وَإِبْنُ عَبَّاسِ وَإِبْنُ هُرَيْرَ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا قَوْلُهُ تَعَالَى سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ سُورَةَ الْحِجَّ بِالْفَاتِحَةِ وَأَنَّ الْبَسْمَلَ هِيَ الْآيَاتَ السَّابِعَةُ مِنْهَا. Donc il a dit, il y a un hadith qui a été rapporté par Al-Bayhaqi, pareil, c'est un savant du hadith, qu'il a rapporté de Ali ibn Abbas, de Abu Huraira, qui ont expliqué le sens des Sab'a Mathani par le verset où Allah dit dans Sourate Al-Hijr, Sourate Al-Hijr, je ne sais pas si c'est exactement ça, c'est Sourate la Pierre, je pense que c'est la Sourate 15, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, dedans, ils ont dit, c'est Sab'a Al-Mathani, ça fait référence à Sourate Al-Fatiha. Donc, ils ont expliqué ça par le fait que, donc les compagnons, ils ont expliqué donc le sens de Sab'a Al-Mathani, les sept sens, par le verset où Allah parle dans Sourate Al-Hijr, Sourate 15, verset, c'est la Sourate de la pierre. Oui, c'est ça, c'est la Sourate 15. Et le Hijr, bon, je pense que c'est ça. Le Hijr, je sais pas si c'est la pierre ou un truc dans le genre. Bref, oui. Donc, ils ont traduit ça, ou ils ont expliqué ça par le fait que Allah en a parlé dans le Coran. وهي وبالفاتحة وأن البسملة هي آيات السابعة منها. Et donc, البسملة, c'est un verset qui fait partie de Sourate Al-Fatiha. Contrairement aux autres sourates, où dans les autres sourates, où ils ont mis le basmala pour démarrer. Pourquoi? Parce que toute chose commence par Allah. Bismillah, par le nom d'Allah. Qui est Ar-Rahman Ar-Rahim. D'accord. طيب, on commence. On continue. Fadlu al-fatiha. Qu'Allah fasse en sorte que ça puisse nous être utile dans nos actes d'adoration, dans notre prière, afin que on soit plus concentré et qu'on donne à Allah et à notre prière ses droits. Parce que malheureusement, vous le savez peut-être pas, mais le jour du jugement, il y a toutes ces actions qui seront, Allah va leur donner vie et ils vont nous dire, tu m'as pas donné les droits que tu devais me donner. Donc la prière va être sous forme d'un être qui va nous blâmer, yom al-qiyama. Donc on demande à Allah qu'il nous permette de l'adorer comme il se doit et comme il nous l'a recommandé. Amin. Alors, al-fadlu al-fatiha. Donc, fadlu al-fatiha. Les leçons à tirer ou les bienfaits ou les enseignements de Sourate al-Fatiha. Rawahu al-imam Ahmad an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiallahu anhu qal kuntu asalli fada'ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam فلم أجبه حتى صليت فأتيته. Donc il a été rapporté de l'imam Ahmed de la part de Abi Sa'id, donc un compagnon, qu'Allah les agrée, qui a dit: j'étais en train de prier et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interpellé. Je ne lui ai pas répondu jusqu'à ce que j'ai juste terminé ma prière, ensuite je vins à lui. فقال, et ensuite il m'a dit, ma mana'ak an ta'tiyani. Il m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de venir quand je t'ai appelé? Il dit, قال, قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني كنت أصلي. J'ai dit, ô prophète, c'est le compagnon qui disait, ô prophète, j'étais en train de prier. قال, ألم يقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Il a dit, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Donc il a dit, j'étais en train de prier. Il a dit, est-ce que Allah n'a pas dit dans un verset, ô vous qui avez cru, répondez à Allah ou à l'appel d'Allah et à celui du prophète lorsqu'il vous invite à ce qui vous fait vivre. ثم قال لا. Donc ça c'était juste une petite le passage du hadith, on va continuer là-dessus. Il va dire la'allimuk a'zam sourate fi al-Qur'an qabl an takhruj min al-masjid. Il a dit, je vais t'enseigner la sourate la plus importante, la plus lourde du Coran avant que tu sortes de la mosquée. قال فأخذ بيدي il a pris ma main فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت et lorsque il m'a pris par la main donc on allait sortir je lui ai dit يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن tu m'as dit et donc il a arrêté le prophète avant même de sortir parce qu'il lui a dit tu m'as dit que tu allais m'enseigner une sourate avant de sortir de la mosquée. Et au moment où ils allaient sortir, il l'a arrêté, il a dit, mais tu m'as dit que tu allais m'enseigner quelque chose qui est la sourate la plus importante, la plus importante du Coran. Donc il a dit, قال نعم الحمد لله رب العالمين. Il a dit oui. Il lui a répondu direct, c'est الحمد لله رب العالمين. هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته هو في المسند ورواه أيضا قبل ذلك بنحوه donc ça fait des notes de bas de page important donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc c'est sourate al-fatiha finalement parce qu'il a récité alhamdulillahi rabbil alamin سبع المثاني والقرآن العظيم et c'est les sept sens et le Qur'an al-Azim alladhi ataytuhu qu'il m'a été donné. D'accord. Donc quand on lit et on entend tout ça, normalement on doit, même si on n'a pas toutes les connaissances, on va les avoir inshallah bihawlillahi ta'ala, mais commencer à vénérer cette sourate, à vénérer sa grandeur, son poids et son importance. Et de vraiment, dans notre prière, ainsi de suite, essayer de la lire avec tout notre esprit, notre cœur, et ainsi de suite. Forcément, on va en retrouver les bénéfices. Bihawlillah. Donc voilà. On continue. Warawahu al-Bukhari wa Abu Daoud wa al-Nasa'i wa Ibn Majah warawahu al-Wa'idi an Abi Sa'id. Ibn Mu'alla an Abi Ka'b ibn Fadakaruhu Nahu. Ils ont rapporté la même chose. Donc en fait, dans les livres de hadith, c'est bien parce que ça nous familiarise, enfin dans les livres avec les savants de hadith, ça nous familiarise avec les différents noms et les prénoms, et ainsi de suite. Et finalement, après, il va juste dire qu'il a rapporté la même chose, comme c'est le cas ici. Alors, وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمُوَطَّى لِلْإِمَامِ مَالِكِ ibn Anas ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحراقي وقد وقع في الموطأ il a été aussi trouvé dans le Muwatta de l'imam Malik. Le Muwatta, c'est un livre, c'est une compilation de hadith, d'accord, comme Al-Bukhari, Muslim, les autres livres de hadith, sauf que là, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, c'est un des fondateurs. Enfin, j'aime pas dire fondateur parce qu'en soi, tous ces imams n'ont jamais demandé à ce qu'ils fondent une école. En fait, c'est leurs élèves, à force de perpétrer, de véhiculer, d'étudier chez eux et de transmettre en fait leur avis, qui fait que cette école, en fait, s'est imposée d'elle-même. Vous comprenez ? Donc, toutes les autres écoles, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en fait, il n'y avait pas que ces écoles-là. Mais vu que c'est ces écoles qui ont pris le dessus sur les autres, et ben c'est ceux qui ont été pratiqués ou appliqués. Parce qu'il y a l'école de l'imam Thawri, l'imam Sufyan Thawri, Hassan al-Basri, al-Awza'i, j'en ai plus, enfin, il y a Ibn Qudam al-Maqdisi, il y en a plein d'écoles. Taïb. Donc, lui, l'imam Malik, il a écrit un livre qui s'appelle « Al-Muwatta ». Et donc, il est dit qu'ils ont retrouvé dans ce livre-là aussi des textes concernant ce sujet-là. « Ma yanbari at-tanbih ». Donc, ils ont trouvé des choses qui nécessitent notre attention, ou du moins qu'on prête attention. « Fa'innahu rawahu Malik an al-Ula ibn al-Rahman ». Donc, il a été rapporté de le compagnon al-Ula ibn Abd al-Rahman ibn Ya'qub al-Huraqi, أن أبا سعيد مولى ابن عامر ابن كريز أخبرهم tout ça c'est des prénoms de Sahaba et de ceux qui ont suivi et les tabi'in ainsi de suite qui leur ont informé أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي ابن كعب il a appelé ابن كعب وهو يصلي في المسجد et il priait dans la mosquée donc vous allez voir que là c'est à peu près le même hadith plus ou moins qu'on a cité avant فلما فرغ من صلاته لحقه donc lorsqu'il avait fini sa prière donc ce compagnon a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يداه على يديه وهو يريد ان يخرج من باب المسجد donc il a pris la main de ce compagnon sur sa main enfin il a pris de sa main à sa main et il se dirigeait vers la sortie de la mosquée avec ce compagnon là ثم قال اني لا ارجو لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سوره ما انزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها il a dit donc quand il a pris la main en fait à ce compagnon en marchant avec lui il a dit je vais t'enseigner inni l'arju j'espère que avant que tu sortes de cette porte de cette mosquée là de la mosquée que je t'apprenne une sourate qui n'a été ni révélée dans l'évangile ni révélée dans la Torah, ni révélé dans le Furqan. Le Furqan, c'est un autre terme pour désigner le Coran. Le Furqan, c'est le discernement entre le vrai et le faux, le discernement entre tout ce qui a été inventé ainsi de suite jusqu'à maintenant. D'accord, le Furqan, il est censé le Coran, donc le Furqan, c'est un autre terme. Donc, il a dit, je vais t'enseigner une chose que tu ne trouveras ni dans l'évangile, ni dans la Torah, ni dans le Furqan. C'est-à-dire que c'était pas encore révélé ou enseigné. Il lui a dit donc, que je reprenne le fil. Voilà. Donc, tu ne trouveras pas de semblable. Qala Abay. Il a dit, en gros, ça veut dire, bien sûr. Fajaltu. Donc il espérait, enfin il appréhendait, il se posait des questions, il est en marchant, en avançant. Donc au moment où ils allaient sortir, au moment où ils allaient sortir de la mosquée, il lui a dit, Ya Rasulullah, as-surat allati wa'attani, ô prophète d'Allah, la sourate que tu m'as dit, enfin celle que tu m'as dit que tu allais m'enseigner. Qala, kayfa taqra'a idha iftatahat as-salat. Il dit, comment tu lis quand tu commences ta prière? Qala, faqara'tu alayhi, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc ensuite, il lui a récité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faqara'tu alayhi, non, il lui a récité plutôt, alhamdulillahi rabbil alamin, hatta ataytu ala akhiriha, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, hiya hadihi as-surah. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. Donc il a dit c'est celle-ci. Donc quand il lui a récité donc ce compagnon sourate al-Fatiha, il a dit c'est celle-ci la sourate et c'est celle-ci qui est les sept sens et le Coran al-Azim qu'il m'a été donné. Donc vous voyez là pour regardez vous voyez le poids de cette sourate et l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne à travers les informations qu'il nous donne. Donc cette sourate, on doit lui donner une attention particulière dans notre lecture, dans le fait de viser, même si on ne connaît pas, hein, cherchez à viser, même si vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre, parce que c'est qui enseigne, c'est Allah. Et Allah, s'il voit du bien en nous, comme il nous l'a dit, il va nous donner ce qu'on cherche à acquérir. كما اعتقده ابن الأثير في جامع أصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من مولي Là, c'est juste une information concernant les compagnons. Ou ceux qui ont rapporté ce hadith, c'est pas très important à traduire. فهو على شرط مسلم. دونك على أنه قد رواه عن أبي ابن كعب من غير وجه، كما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ابن كعب. Le prophète sallam est sorti auprès de son compagnon. وهو يصلي et il prie. فقال يا أبا يا أبا فالتفت فلم يجبه. Il s'est donc tourné mais il lui a pas répondu. ثم ensuite صلى أبي صلى أبا فخفف. Donc ensuite il s'est mis à prier, mais légère, une prière légère, c'est-à-dire que pour finir vite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Donc il a fini, il est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit salam alayk, ya Rasulullah, il lui a dit que la paix soit sur toi, enfin, assalamu alayk ya Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, wa alayk, à toi aussi, ma mana'aka ma mana'aka ay aba, idha da'awtuka an tajibani. Qu'est-ce qui t'a empêché? Donc là, on revient sur l'autre hadith qu'on vient citer, sur une autre version. Il nous dit, qu'est-ce qui t'a empêché de venir à moi quand je t'ai appelé? قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في الصلاه. Il a dit, oh, j'étais au prophète Allah, j'étais dans la prière. قال افلست تجد فيما اوحى الله الي. Est-ce que tu ne trouves pas dans ce qu'Allah m'a révélé le verset où il dit استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. Le verset où Allah il dit répondez à Allah et au prophète lorsqu'il vous invite à ce qui vous fait vivre. قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, au prophète Allah. لا أعود. Il a dit, je ne recommencerai plus. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. Est-ce que tu veux que je t'enseigne, ne veux-tu pas que je t'enseigne une sourate qui n'a été ni révélé dans la Torah, ni révélé dans Zabour. Zabour, c'est les psaumes de Daoud, de David. Zabour, ce sont les psaumes de David. D'accord? Les psaumes de David. David, c'est un prophète, et il a eu reçu un livre qui s'appelle Zabour. En français, on l'appelle plus ou moins les psaumes de David. Il dit donc Zabour, l'Injil, dans l'évangile et ni dans le Coran. Donc ne veux-tu pas que je t'enseigne une chose qui n'a été révélée dans aucun de ces quatre livres? Il a dit bien sûr au prophète d'Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni arju ala takhruj ala akhruj min hadha al-bab hatta ta'allamaha ta'allamaha. Tu ne sortiras, j'espère que tu ne sortiras pas avant que je te l'enseigne. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فحدثني يحدثني وأنا أطبط فمخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما سورة التي وعدتني. On marchait donc ensemble vers la sortie de la mosquée et je m'empressais d'appréhender. On est en train de répéter un peu ce qu'on a déjà dit, donc je m'attarde pas trop. Donc là, il lui a dit donc la même chose une fois qu'ils étaient au moment de sortir. Il m'a dit ne m'as-tu pas dit que tu allais m'enseigner une sourate? Et donc il m'a dit comment tu lis la sourate al-Fatiha, enfin comment tu lis quand tu rentres dans la prière. Il lui a dit, donc il a commencé à réciter al-Fatiha, walladhi nafsi biyadihi. Donc il a juré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah, par le fait qu'Allah, il a dit walladhi nafsi biyadihi, et par celui qui détient mon âme entre ses mains. ما أنزل الله في الت التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها سبع المثاني. Il a dit, par, donc il a juré, voilà, il a juré, il a dit, par Allah, tu ne trouveras pas de sourate identique dans la Torah, dans l'Évangile, ni dans les psaumes de David, et encore moins dans Al-Furqan, dans le Coran. Bien sûr, avant qu'il le transmette, parce que ça en fait partie du Furqan, parce que le Furqan, c'est le Coran. إنها سبع المثاني إلى دي سي لي سيت سونس. ورواه الترمذي عنده إنها من من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. سي لي سيت سونس القرآن العظيم كي ما إتي دوني. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي كعب عن أبي ابن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. Voilà, c'est des règles de hadith. Hein. Je vous passe ça. Je l'ai préparé un peu en catastrophe, de cette fois. J'ai essayé de prendre le plus important. Et comme je dis, étant donné qu'il y a quand même une petite page, enfin, le tafsir de Surat al-Fatiha, là, on n'est pas encore entré dans le tafsir. Là, on parle de l'origine, de son sens, etc. Ensuite, on va forcément rentrer dans qu'est-ce que veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ainsi de suite. Donc, je continue. Je finirai sur ça. Donc, comme je dis, en fait, les choses à se rappeler, c'est que Surat al-Fatiha, c'est Umm al-Kitab, Umm al-Qur'an, Sab' al-Mathani, Al-Fatiha al-Kitab, elle a plusieurs noms. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et en fonction des divergences ou en fonction des différents avis, il était question de. Qu'est-ce qu'il en est de la basmala? Est-ce que la basmala fait partie de Surat al-Fatiha ou est-ce que c'est un verset qui est en dehors et qui permet d'ouvrir comme dans les autres sourates? D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu en gros, en général. Maintenant, comme il a dit le cheikh, tout va être détaillé. D'accord? Dans un premier temps, ce qu'il demandait et recommandait à l'étudiant en sciences, c'est de suivre un madhhab, de suivre une école. Une fois qu'il est bien en phase, qu'il comprend et qu'il connaît, il a en fait les différents domaines scientifiques qui englobent cette école. Donc la langue arabe, la langue arabe, elle se divise en plusieurs catégories. Al-Nahw, al-Sarf, al-Mantiq, al-Fiqh, al-Lugha, al-Balagha, et ainsi de suite. Donc, juste dans la langue arabe. Après, on a le Fiqh. Dans le Fiqh, on a plein de niveaux. On a des niveaux pour al-Mubtadi'in, al-Mutawassitin, al-Mubtahin. On a des Murtasar, Mutawwal, et ainsi de suite. Donc ça, c'est... Après, je ne parle même pas des autres domaines. Dans la science du hadith, on a plein de livres, de petits épîtres, de livres qui codifient les règles de science dans le hadith, et ainsi de suite. Donc on avait vu hier, on avait vu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Donc on avait vu التوحيد الألوهية et on avait posé des questions concernant combien de types de tawhid on a et quel type de tawhid en fonction de définition. Enfin, j'avais demandé en fonction des différents types de tawhid leur définition. Donc on avait vu ça. Ensuite, Naam, c'est ce qu'on avait vu. Donc ensuite on a vu comment on appelle ça? On avait vu Tawhid al-Ibada, l'unicité dans l'adoration, et on a vu la définition, on a vu dans la langue arabe, dans le shara', ça veut dire dans la sharia, c'est-à-dire dans la législation islamique, c'est-à-dire selon les savants de la religion, comment ils ont défini. Enfin, c'est pas eux qui ont défini, hein. Comment ils ont tiré de la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces explications ou ces règles-là. Et ensuite, on a donné des exemples de tawhid al-ibada. Tawhid al-ibada, on a dit, voilà, il y a la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, et tout cela, on pourra les classifier. Peut-être qu'on fera un exercice en ces quatre. Je vais vous citer un certain nombre d'adorations et vous allez devoir le mettre dans des colonnes. Ça va être, comment ça s'appelle, Est-ce que c'est une action du cœur? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est une action du corps? Et ainsi de suite. Pour pouvoir les définir. Un exemple, par exemple, la prière, on va pouvoir la mettre dans plusieurs, parce qu'il y a une intention, donc c'est un acte du cœur. Ensuite, il y a un acte du corps, qui est quoi? La prière, parce que je fais la prière. Il y a aussi peut-être aussi une parole, parce que des fois, on va réciter quelque chose. D'accord? Donc la prière, elle rentre dans les trois, quatre figures. Ensuite, on a zakat. Zakat, non. Zakat, elle rentre dans l'action, c'est tout. L'intention dans l'acte du cœur, forcément, parce que tu as l'intention. De toute façon, le moteur, c'est le cœur. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cœur, c'est le moteur de tout. D'accord? Quand le cœur décide, eh ben lui, il va commencer à envoyer une information sous forme de qui vont monter au cerveau, et le cerveau va traiter cette information-là, et une fois qu'il va traiter cette information-là, il va donner des ordres au corps, si c'est une action du corps. Donc, voilà, on avait donné corps. Donc, le corps, c'est simple. Et, voilà. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Oui, c'est bon, je sais où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc, on avait donc donné pas mal d'exemples, et là, on va voir maintenant les preuves qui appuie tout ce qu'on vient de dire ou tout ce qu'on a pu dire dimanche concernant l'unicité dans l'adoration. Quelles sont les preuves? Parce que quand on amène un avis ou un sujet, s'il n'est pas alimenté ou il n'est pas soutenu par des preuves, tout est à rejeter. La parole de l'homme, on ne suit pas cette religion pour écouter des hommes. D'accord? On écoute Allah, le prophète et les compagnons qu'Allah a agréés. Donc, tout ce qu'on a pu voir là comme avis, il faut que ça soit tiré de preuves. Généralement, c'est comme ça. C'est juste pour que dans notre tête, en fait, ce mécanisme se mette en place. Donc, les versets. Wa dalilu ala dhalik. Donc, les preuves concernant tout ce qui vient d'être cité. Qawluhu ta'ala. Qawlillahi ta'ala. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc regardez, là je vais pas commencer la sourate du début et j'ai commencé par le basmala. Est-ce qu'on peut commencer par le basmala? Ça c'est un sujet qu'on verra plus tard inchallah. C'est-à-dire en plein milieu d'une sourate, est-ce que je peux commencer par bismillah ar-rahman ar-rahim? Alors le verset ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et celui qui invoque avec Allah une autre divinité sans avoir une preuve de ceci, فإنما حسابه عند ربه, son jugement sera auprès d'Allah, et certes les mécréants ne réussissent pas. Donc ce verset-là, on avait cité, je pensais qu'on avait cité, on n'avait pas cité ce verset-là, mais dans ce verset, on a وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Si on n'avait pas, on avait cité ce verset, mais je ne me rappelle plus où. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ الدُّعَاء هِيَ الْعِبَادَةِ. L'invocation, c'est l'adoration. Donc quand Allah il parle de وَمَنْ يَدْعُ, en fait, Allah il dit وَمَنْ يَعَبُدْ. C'est pas وَمَنْ يَدْعُ. وَمَنْ يَعَبُدْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Celui qui adore avec Allah une divinité qui n'a pas de preuve sur ce sur quoi il est. Qu'est-ce qu'il adore? Son jugement reviendra à Allah et certes les mécréants ne réussissent pas. Pourquoi Allah il a dit à la fin, certes les mécréants ne réussissent pas? Parce que ceux qui agissent de cette manière, ceux qui sont coupables de ça, Allah les a qualifiés de mécréants. Et il leur a aussi dit leur destination qui est, ou leur finalité qui est, ils ne réussiront pas. Surat al-Mu'minun. Ensuite, قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية. Ah si, on l'avait fait. Oui, bah oui, en fait, oui. On l'a fait, mais c'est pas grave, on va le finir. On va continuer parce que je viens rapidement en fait d'expliquer ce que l'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir, c'est du même qu'on est en train de faire le tafsir. Normalement, la science, elle est automatiquement, on va retrouver certains personnages à différents endroits et ça sera toujours les mêmes. C'est ce qui peut nous raffermir ou nous assurer que la science, de la manière dont on l'apprend, ou tout, on l'apprend, inshallah ta'ala, elle est correcte. D'accord? Donc, il a dit donc dans ce verset, Allah, en fait, il menace ceux qui prennent des associés en même temps avec lui et qui l'adorent en dehors de lui, qu'ils ne réussiront pas et que leur fin, leur destinée revient à Allah et les mécréants donc ne réussiront pas. ومن أدلة على التوحيد الألوهية et donc en fonction concernant التوحيد de la divinité donc dans l'adoration, on l'appelle pareil. On a deux sens, on a deux manières de le traduire. L'unicité dans la divinité, parce que finalement, el-Uluhiyya, c'est l'adoration, d'accord? Mais en vrai, le vrai sens, c'est l'unicité dans la divinité d'Allah, el-Uluhiyya. Donc, el-Uluhiyya, en fait, c'est l'ibada, c'est tawhid al-ibada, c'est l'unicité dans l'adoration. Allah dit, donc, par rapport aux preuves qu'on a citées pour appuyer tout ce qui a été dit, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, adorez votre Seigneur qui a créé, qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus avant vous. Peut-être serez-vous pieux, ou peut-être atteindriez-vous la piété. وقول الله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc là, est-ce que vous arrivez à suivre en fonction des preuves et des liens, enfin les liens qui entre les preuves et tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Là, Allah ou les gens de science ont tiré toutes les preuves qui justifie, qui légitime et qui appuie et qui explique pourquoi le tawhid de l'unicité, qui explique le tawhid de l'unicité, d'accord? Pourquoi on doit vouer notre culte qu'à Allah? Pourquoi? Là, il a commencé par quoi Allah? Oh vous les gens, donc Allah il s'adresse à toute sa création, musulmans, mécréants, en leur disant oh vous les gens, adorez-moi parce que je vous ai créé. Donc là, on revient à quoi? On revient à Tawhid al-Rububiyya. D'accord? Tawhid al-Rububiyya, pourquoi? Ben c'est Allah qui... Une des premières caractéristiques de Tawhid al-Rububiyya, comme ça je reviens, franchement c'est important. Si je prends le temps de faire cette explication, c'est pour vous. Donc si c'est clair, tant mieux. Sinon, dites, je m'arrête. J'essaie des fois de vous faire un peu des liens pour que vous compreniez en fait les versets, les textes et comment faire un peu emboîter tout ça. Parce que c'est clair. Donc je vous disais, en fait, là on est en train de mentionner des versets qui concernent l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc je vous disais, là on était en train de voir les preuves qui affirment ce qui a été cité et qui concerne l'unicité dans l'adoration. Si vous connaissez, faut bien comprendre une chose, hein, ce cours, ce qu'on est en train de faire, c'est, on espère qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne à travers tout ça, et c'est pas spécifique à vous, c'est pour tout le monde. Donc si vous connaissez des gens qui veulent ou qui ont des, voilà, surtout avec le confinement, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus, Inch'Allah. Donc je disais, là, j'étais en train de faire un peu le lien pour comprendre, en fait, les différents liens entre l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs. Tout doucement, j'essaye d'amener, en fait, certaines compréhensions ou d'emboîter certaines choses pour que, dans votre tête, ça commence à se construire. Donc, là, au départ, on a vu l'unicité dans la seigneurie et la particularité de l'unicité dans la seigneurie, ou du moins une des choses qui est priori, pr- primordiale ou nécessaire ou une chose qui est, on va dire, qui est, par laquelle on, Allah il a commencé, c'est quoi? Al-Khalq, la création. Donc Allah a commencé par quoi? Il a commencé toute chose par la création. Ok? La création, c'est quoi? C'est, est-ce que c'est l'unicité dans la seigneurie ou dans l'adoration? Dans la seigneurie. Donc en fait, Allah, à travers l'unicité dans la seigneurie, il interpelle sa création pour l'adorer. Ça veut dire que, oh, vous qui avez, oh, vous les gens, adorez-moi. C'est moi qui vous a créé. Adorez-moi parce que je vous ai créé. Abudu Rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ça veut dire, Allah interpelle les gens qui ont déterminé, qui ont compris qu'Allah, il l'a créé. Donc après, Allah, donc, il s'en, c'est comme si, en fait, c'est comme un dialogue qui s'est fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé, qu'on a su qu'Allah nous a, qu'Allah a tout créé, là, à ce moment-là, Allah nous donne une autre information. C'est quoi? C'est de l'adorer. Donc là, dans ce verset, en fait, on a deux choses. On a l'unicité dans la seigneurie. Donc du fait qu'on a accepté, qu'on a compris, qu'on a adhéré, qu'on affirme cette seigneurie d'Allah qui est le créateur de toutes choses, ensuite Allah il nous interpelle par « Wa'budu Rabbakum » « Adorez votre Seigneur ». Et après on va voir « Adorez votre Seigneur », ok, on adore comment il y a Allah. Et bien ça va être dans la suite des versets, dans la suite de nos cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça c'est dans sourate Al-Baqara. Dans un autre verset, qawlullah ta'ala wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Donc là ensuite Allah dans plein de versets, donc tirer les versets en fonction du fait de comment ils veulent interpeller les lecteurs ou les serviteurs. Donc l'autre verset, c'est le premier, c'est d'une manière générale, adorer Allah. Si une fois que vous avez reconnu, adorez-le. Deuxième des choses, la chose la plus importante derrière, c'est adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc Allah, en fait, tout doucement, il nous fait cheminer et apprendre comment l'adorer. Et un autre verset où Allah dit « Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun » et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là maintenant, on va avoir plein de questions. Puis il y a plein de gens qui ont des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Qui m'a créé? Pourquoi? Est-ce que j'ai une mission? Est-ce que je suis là comme ça, par hasard? Qu'est-ce qui va se passer après, ainsi de suite? Et à quoi sert ma vie? Ou la vie des gens? Ou on va où comme ça? On se dirige vers où? Et ben là, il nous informe en fait. Finalement, ce livre, quand on parle que c'est une guidée dans tous les sens du terme, dans tous les aspects de ta vie. De notre vie. Et là, la preuve, c'est dans le verset où Allah dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. C'est-à-dire qu'il savait très bien Allah qu'on allait se poser cette question, puisqu'on est ses créatures. On va se poser, les gens vont se poser ces questions-là. Donc Allah, il nous répond. Oh, vous, les djinns et les hommes, pourquoi je vous ai créé? L'origine de votre existence, c'est afin que vous m'adorez. D'accord? Un point, c'est tout. Je vous ai créé que pour ça. Si ce n'était pas cet objectif-là, ben on ne serait pas créé. Tout simplement. Ça, on appelle ça le fahm al-mukha à la fin. C'est de comprendre le verset dans son contraire. Ça, c'est dans un sens du tafsir. Al-mafhum al-mukha à la fin. Donc, Allah a dit qu'il nous a créé et donc, en fait, il nous informe. Voilà, je ne sais pas si vous avez écouté les cours du frère, du cheikh Mohamed El-Maghrebi. Il a parlé de certains cours qui partent de l'essence, en fait, de l'être humain. Le sens et le but de la vie. Des choses comme ça. Franchement, mashallah, ça pousse à l'origine, en fait, même et aux questions que tout le monde se pose. Fajazallahu khair. Donc, on va pas trop tarder. Mu'ad ibn Jabal. Donc là, maintenant, on va voir des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال نبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ Donc il lui a dit: ô Muad, ne veux-tu pas que je te dise, je te donne les droits d'Allah sur ses serviteurs? قال الله ورسوله أعلم. Il a dit: Allah et son prophète sont plus savants. قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. Il a dit: leur droit, leur devoir vis-à-vis d'Allah, c'est de l'adorer et de ne rien lui associer. أتدري ما حقهم عليه؟ Et veux-tu connaître son droit envers eux, c'est-à-dire Allah envers eux maintenant? قال والله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. Il a dit: et son droit ou le droit d'Allah sur eux, à partir du moment où ils accomplissent ces deux choses-là, c'est qu'Allah ne les châtiera pas et ne les ne les châtiera pas. Ensuite, on va voir encore un dernier hadith et on s'arrêtera là, inshallah ta'ala. Ça va, c'est clair? Donc, vous avez vu, là, on a vraiment l'essence même de l'adoration. L'essence même du sens de qu'est-ce qu'Allah veut de nous. Donc, il a interpellé Mouad, et Mouad, il fait partie d'un des plus éminents, un des plus intelligents et un des plus connaisseurs de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il l'a interpellé. En fait, quand Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comme ça, c'est quelque part, c'est un enseignement pour nous et ceux qui vont suivre, en fait. Oh Mouad, ne veux-tu pas que je. Que, est-ce que tu connais les droits d'Allah sur ses serviteurs, les droits des serviteurs sur Allah? Donc, on a les deux choses. Donc, on voit bien que le hadith correspond ou confirme ce qu'il y a dans les versets qu'on vient de citer. C'est de l'adorer et de ne rien lui associer. Et en contrepartie ou en échange, Allah prend l'engagement de ne pas nous châtier. Amin, amin, amin. وعن ابن عباس رضي الله عنه أرضى قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. حديث متفق عليه. Mais il est pas complet. Bon, je pense qu'il l'a fait. Non, il l'a fait volontairement. On verra la suite après. Donc, pareil, il a été rapporté d'Ibn Abbas, un compagnon, qui a rapporté donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal, donc Mu'ad ibn Jabal, comme je vous ai dit, c'était un compagnon, un éminent compagnon. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé au Yémen. Et au Yémen, à l'époque, il y avait des gens du livre, des chrétiens, des juifs, ainsi de suite. Donc il a dit: ô Mu'ad, innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab. Ô Mu'ad, tu vas aller vers des gens qui font partie des, tu vas aller vers un peuple qui fait partie des gens du livre, qui font partie des gens du livre. Fais en sorte que la première des choses à laquelle tu les invites est d'unifier Allah Ta'ala. D'accord? Donc, là, on voit bien encore une fois une chose, c'est que les premiers ordres, ils reviennent à l'origine des choses, c'est de adorer Dieu et de ne rien lui associer. Donc là, on a encore une fois un hadith qui confirme les versets qu'on a cités juste en haut et qui confirme l'unicité dans l'adoration. Qu'est-ce que l'unicité dans l'adoration? Eh bien, on le voit dans ce hadith, c'est d'unifier Allah. وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُولِ وَالْأَنْبِيَاءِ. On va s'arrêter là, il est 22h30. Je suis vraiment désolé. Je vais faire 2-3 minutes par rapport à l'actualité. Mais bon, d'ici 2 jours, normalement, on va prendre un temps complètement, totalement pour ça. Et je vous cache pas que je pense qu'on va aussi peut-être prendre encore un peu de temps pour continuer dans l'aqida, parce que c'est très important. C'est la base. C'est pour ça qu'on a été créé. Et je pense, et c'est un fait, la majorité des gens sont ignorants de ces notions-là, qui font partie des bases pourtant. Donc on continuera, inshallah ta'ala, jeudi, sur ce livre-là, et on fera rapidement ce livre-là, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, grand maximum, et après on restera sur l'actualité. Ok? Voilà. Donc on s'est arrêté ici. Voilà. Bon. Je vais rapidement discuter rapidement sur le cas du coronavirus. Pas vraiment le coronavirus, comme je disais, et cette fois-là, vous voyez, on a pu écouter jusqu'à maintenant, en dehors de tout ce que vous avez pu voir. Moi, en tous les cas, je ne sais pas si vous êtes encore polluer l'esprit avec toutes ces informations ou pas. Et je dirais que comment ça s'appelle, Inch'Allah, que ça n'a pas causé trop de, ça n'a pas amplifié vos peurs, vos appréhensions, vos craintes par rapport à ce qui se passe. Donc en fait, le coronavirus, c'est un virus, certes, comme on l'avait dit. Il a été lâché, on va dire, dans la nature volontairement pour des actions que on va voir et qu'on commence à voir. Maintenant, donc, on va pas s'arrêter sur comment on appelle ça, sur sa nocivité, ainsi de suite, parce que elle est avérée. Oui, moi, attention, j'ai jamais dit que si on est touché par ce virus, que va-t-il faire? Bah écoute, on verra après, parce que les questions-réponses, si on commence dans les questions-réponses, on va finir très tard. Mais je te dirais, ça dépend. En fait, ça va dépendre. En fait, comme je vous l'ai dit, même si des fois, je synthétise un peu le truc, ou je peux laisser paraître que je suis dans un état d'esprit, je m'en foutiste, et ainsi de suite, où je dis non, laissez tomber, vous prenez pas la tête, ainsi de suite. Non, mais c'est parce que je sais qu'en contrepartie, c'est pas méchant, hein, ce que je vais dire. Vous prenez trop de ces informations-là. Donc moi, quelque part, c'est un peu pour casser tout ça, et pour qu'en fait, rééquilibrer un peu cette pression qui peut s'exercer. C'est tout. Bon, bien sûr qu'il y a un minimum je ne vais pas dire de précautions à prendre, parce qu'en fait, ça va dépendre de chacun. Ça dépend de chacun. D'accord? Moi, au lieu de regarder ceux qui vont commencer à me dire, ouais, t'as vu le virus, on va me faire peur sur une chose, non, je vais directement, une fois que j'ai l'information, chercher. Ça, c'est différents symptômes, comment ils se développent, quel type de cas ils vont, quel type de profil de gens, ça va, ils sont plus susceptibles de toucher. Ensuite, écoutez l'avis des spécialistes, mais des vrais spécialistes, pas ceux qu'on invite dans les plateaux télé, ainsi de suite, qui sont là que pour manipuler les esprits des gens, d'accord? Et donc automatiquement de chercher des solutions, d'accord? Donc moi, pour que je te dise ce qu'il en est, en fait, c'est pas si simple que ça. J'essaie d'avoir une approche quand même un peu scientifique, j'aime pas dire ça, c'est une approche un peu voilà, de prendre le temps de faire un bon diagnostic. Et en fait, il faut prendre pas mal d'éléments. La personne, ses antécédents médicaux, le niveau de sa santé, où est-ce qu'elle en est, son hygiène de vie. Tout ça, tu vas faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas voir s'il y a une petite traque quelque part, et là, tu vas lui donner des conseils appropriés. Il y en a qui parlent de chloroquine, ainsi de suite. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas dans l'esprit de changer le mode de vie de la personne, parce que c'est ce qui fait que son système immunitaire est très faible, et il ne produit plus de défense, et il n'arrive plus à faire face à ces pathologies-là. Et malheureusement, c'est avec toute la nourriture infecte qu'on mange, qui est éradiée, qui n'a plus de la consistance qu'elle avait à cause des pesticides, à cause des épandages ou des chemtrails qui sont envoyés à travers le ciel via des avions, et ça vous pouvez le voir le matin très tôt, le soir très tard. Et c'est des fumées, en fait, c'est même pas des avions de ligne, c'est des fumées qui s'étendent, qui restent pendant un long moment et qui s'étendent et qui s'épaississent et qui tombent. Ben, tout ça, c'est des chemtrails. On appelle ça des chemtrails ou des épandages. Et ça, c'est des programmes qui ont été développés par l'armée américaine et d'autres. Et leur but, je vais vous transmettre des vidéos sur ça. Ensuite, on a aussi la médecine. Malheureusement, la médecine le jour d'aujourd'hui, j'englobe tout. Et après, il y a du cas par cas. Mais la médecine, en fait, aussi, elle joue beaucoup dans le fait d'affaiblir le système immunitaire. À travers les médicaments, à travers les vaccins, à travers d'ailleurs j'attends d'avoir cette étude, quand est-ce qu'elle va sortir, mais il y en a qui sont en train de faire le lien avec la majorité des gens qui sont touchés, c'est des gens qui ont été vaccinés, d'accord. Donc il y a tout le temps une faille quelque part, de toute manière ce système est plein de failles. Maintenant, étant donné que tout le monde est mouillé dans le jeu, c'est pas tous qui ont le réflexe de faire un petit pas en arrière, histoire de sortir un peu de cette mascarade et faire des recherches, on va dire, sans parti pris. D'accord? Vraiment avec une intention de comprendre ce phénomène, enfin, de ce virus, ainsi de suite, et de voir comment il se développe, ainsi de suite, et de trouver qu'est-ce qui va le contrer. Parce qu'il y a automatiquement des choses, que ça soit d'une voie très naturelle ou une alimentation, une hygiène sportive, une hygiène tout court, une bonne hygiène, et après d'autres. Et c'est pour ça qu'elle dit après, c'est du cas par cas. Là, on va parler de quelqu'un aussi qui avait une sœur qui avait été touchée, enfin, même pas qui a été. En fait, regardez, je vous l'ai dit la dernière fois, arrêtez de regarder tout ça parce qu'on a un mécanisme qui se déclenche en nous qui fait qu'on va être propice ou prêt à développer cette maladie-là. Et j'en suis sûr, encore une fois, je vous l'avais déjà dit aussi, qu'il y a un gros pourcentage de chayatons là-dedans. Donc, en fait, toutes ces petites choses font qu'en fait, quelque part, on se prédispose. Voilà. Donc, c'est un tout. Hein. Si cette personne-là a besoin de conseils, il me faudrait d'autres éléments. Et après, si je peux, j'ai du temps, parce que s'il y a une autre personne, malheureusement, ces derniers temps, j'étais un peu à côté de la plaque. Mais bon. Donc, bref. Donc, je disais qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que le corps est malade. Pas de mon avis, de mon approche. C'est de ce que j'ai pu voir de certains scientifiques, de certains chercheurs, de certains, docteurs dans la matière. Je parle pas que du docteur Raoul. Je vous en ai parlé presque dès le début. J'avais, pour certains, envoyé des vidéos. Et il était encore dans ses fast-tests, et c'est le libre penseur Salim, alias Salim Laibi, qui est lui aussi de Marseille. Étant donné qu'il est très investi dans tout ce qui est activisme, ainsi de suite, nouvel ordre mondial, et l'industrie et les lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires, politiques, l'intelligence, ainsi de suite, enfin, le renseignement, tout ça. Et donc, du coup, lui, ça, automatiquement, il est en contact avec le docteur et il a posté un lien. Et de là, c'est parti. Donc, du coup, bizarrement, comme je vous l'ai dit, le stock de chloroquine a disparu. Certains États commencent à appliquer, comme les États-Unis, ce traitement-là. Là, apparemment, il y a même un des maires ou je sais pas quoi de la ville de Nice qui était lui aussi atteint ou positif au coronavirus, ou je sais pas quoi, il a commencé à suivre le traitement de la chloroquine. Il a même demandé à ce que ça soit appliqué dans toute sa ville. Donc, à un moment donné, il faut voir à quoi on est vraiment dans une mascarade, en fait. Le virus n'est pas plus nocif que ça, à moins qu'on parle de certains cas qui ont déjà une prédisposition à l'avoir et que ça aille, que ça a un enchaîne, que ça a un déclenchement. Et après, il faut voir qu'est-ce que ces gens-là, vers quoi ils s'orientent comme solution. Voilà. Donc en fait, il y a un ensemble de choses. C'est pas si simple que ça. Ouais, prends ça et une chardachet. Non. Il y a une étude. La médecine en soi, c'est l'observation, c'est des diagnostics, c'est établir, on va dire, un état de profil de la personne et tout ce qui tourne autour. Et du coup, juste en recentrant certaines choses, bien sûr que il y aura une amélioration. Parce que le corps a cette fonction de ce que Allah a créé en lui, qui se régénère à partir du moment où on lui donne les bons éléments. Après, cette période de régénération, elle peut prendre un peu de temps, parce qu'il y a plusieurs phases avant de récupérer. Il y a déjà combattre, après il y a stabiliser, après ainsi de suite. Donc c'est pas si simple que ça, d'accord. Mais il y a deux solutions. C'est pas une maladie, c'est une maladie infectieuse et qui se transmet ainsi de suite. Certes, mais ce n'est pas pire que ce qu'on a déjà ou que ce qui existe déjà. Donc, le coronavirus, il y a eu des études qui sont commencent à être faites. La preuve, je ne sais pas si vous avez suivi le docteur Raoult, comment d'un côté, on est en train de le diaboliser, ainsi de suite. D'un autre côté, on est en train de dire que finalement, ils sont en train de prendre au sérieux parce que c'est pas un charlatan, le gars. C'est le directeur d'un service, d'une unité dans un hôpital, de tout ce qui est lié à tout ce qui est maladie infectieuse, tout ce qui est virus, en fait, tout ce qui est bref, je ne suis pas spécialiste, hein, parce que les termes, il y en a tellement dans le domaine médical, mais c'est pas n'importe qui. Et c'est pour ça que la majorité de ceux qui ont voulu se dresser contre lui, plus ou moins, ils se cassent les dents. Parce que c'est pas un charlatan, c'est pas un agriviste, c'est pas un apprenti, il vient pas d'avoir son diplôme. Le gars, il en a fait des essais, des recherches, et il a trouvé plein d'autres solutions dans d'autres pathologies. Donc, ils ont vu concrètement qu'il y avait des cas. Donc, à un moment donné, leur discours commence se rendre ridicule. Donc, là, on a qui ? On a la ministre de la Santé et son mari. Ils sont en train de le diaboliser, ainsi de suite, une campagne. Et bon, étant donné qu'ils ont une propagande qui est réglée, qui est les médias, d'accord ? Donc, quand ils envoient leurs chiens détruire tout ça, ils le font. Déjà d'une, même si j'aime pas dire ça, déjà d'une, la médecine française, ou la santé au niveau France, elle est assez développée. Malheureusement, elle est trop corrompue. Mais on a des gens, ceux qui ne sont pas trop mouillés, franchement, ce sont des éminents savants et de chercheurs, et ils sont vraiment là au service des gens, entre guillemets. D'accord ? Donc voilà, finalement, encore une fois, où on se situe, on rentre dans leur jeu, dans la propagande, et là, du coup, notre esprit est complètement manipulé et manipulable, avec toutes les peurs, les trucs. On va être prêt et prédisposé à faire tout ce qu'ils nous demandent de faire. Ils vont nous dire, ouais, il n'y aura plus rien demain dans les magasins, on va tous courir. Ils vont nous dire, demain, ça va être obligatoire de mettre les masques, on va tous les mettre, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est de la manipulation, parce qu'il y a d'autres objectifs, et on le verra au fur et à mesure. Il faudra pas, à travers ce qu'on fait le jeudi, vouloir traiter tout maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses, il y a besoin de que ces événements mûrissent un peu pour que ça nous donne un éclaircissement sur ce qui va venir. Quand je pourrais vous sortir un ensemble de choses, mais qu'est-ce qu'il en est réellement ou qu'est-ce qui va suivre ? Allahu a'lam. Mais on est en train d'arriver dans cette voie-là. Donc le coronavirus, il y a de plus en plus de cas, mais je pense pas que c'est nécessaire encore une fois de s'attarder sur ça, encore une fois comme je l'ai dit, si c'est nécessaire, on essaiera de faire un petit procès pour voir vraiment les cas et ceux qui développent ces maladies-là, leur profil, leurs caractéristiques, leurs antécédents. Parce qu'encore une fois, celui qui a un corps plus ou moins sain, une alimentation saine, une hygiène de vie d'une manière générale saine, franchement, c'est une petite grippe qui va passer et ça va partir. Je connais une sœur, il n'y a pas longtemps, qui l'a eu. Et alhamdoulilah, c'est une sœur que je connais, enfin, je la connais pas personnellement, c'est une amie de ma petite sœur. Bon, ma petite sœur, à ce niveau-là, elle est d'accord sur toute la ligne. Lui a donné des conseils qu'on suivait. On n'en savait pas vraiment plus à ce niveau-là. Et alhamdulillah, la sœur, elle n'a plus rien du tout. Plus aucun symptôme. Bon. Tout ça pour dire après, vous parlez de vagues, que le virus va muter, tout ça. Oui, mais ceux qui ne doivent pas avoir peur, c'est ceux qui sont faibles déjà. il ne faut pas oublier encore une fois que malgré ce que je peux dire sur les prédicateurs, il y a une partie de vrai dans ce qu'ils disent, mais malheureusement, c'est mal exposé ou mis en avant. Donc oui, c'est une arme, ou c'est une armée parmi l'armée d'Allah. Et Allah fera en sorte que ça touche ceux qu'il aura décidé et destiné. Donc pourquoi nous, on essaie de s'attacher au Coran, à la Sunna, à faire des cours et de prendre un peu plus de temps et en fait, on demande à Allah qu'il nous préserve de tout, de son enfer, ainsi de suite, et de ça, indirectement. Donc, Inch'Allah, on espère qu'Allah ne fasse en sorte que ça ne nous touche pas. Mais même si ça nous touche, on n'est pas condamné. D'accord. Donc, et encore une fois, la guérison ou la santé, elle vient d'un point de vue, comme j'ai dit, de se ménager et de se limoger par rapport à toutes ces informations. Éluer l'esprit. Et finalement, donne beaucoup d'arguments, d'éléments aux chayatrines qui sont avec nous. Pour nous, les induire en erreur. Ah, mais t'as vu, ça se trouve, tu as touché. Mais regarde, la dernière fois, t'as poussé. Attention, l'autre, quand t'es sorti, l'autre est derrière toi, elle a poussé. C'est vraiment du. C'est pas bon. On est d'accord, mais dans un nouveau monde. Il y aura un après. Comme il y a eu un après crack boursier, comme il y a eu un après guerre, et ainsi de suite, il y aura. Mais à chaque fois, on bascule dans un nouveau monde. Voilà. On le verra, justement, tout ça, mais en fait, on arrive dans un nouveau monde, mais réellement. Ceux qui sont un peu orientés vers tout ce qui est information occulte, bah, ils savent très bien ce qui se passe. Hein. Je suis pas le seul à le dire, moi, je suis pas un pionnier dans ça. Je l'ai pas fait parce que voilà, c'est pas mon axe de travail, de recherche. Voilà, c'est plus les sciences religieuses et autres. Mais ça, oui, ça fait très très longtemps que je le sais qu'il est en train de se passer des choses parce qu'ils ont un plan, ils ont un programme et pour arriver à ce programme-là, ils ont un ensemble de situations qui doivent se passer, qui doivent se produire. Voilà. Donc après, au fur et à mesure. Pourquoi j'avais dit de télécharger votre application? Parce que je vais essayer de vous partager des liens, de livres et ainsi de suite dans différents domaines pour que après vous puissiez voir de votre côté. Parce que le peu de cours ou d'interventions qu'on va faire, ça, j'aurai pas le temps de tout résumer ou de m'étaler ou de développer. Une heure de temps et encore, ça suffit pas pour expliquer leur manipulation, depuis quand, comment elle prend forme, quel objectif est derrière, qu'est-ce qui va se passer juste après, ainsi de suite. C'est compliqué. Il y aura un après coronavirus parce que c'est encore une fois, j'aime pas parler de Covid. Si j'aime pas parler de cette chose-là parce que on est en train de lui donner l'importance que eux, les médias ont donné, alors que c'est bidon. En soi, c'est bidon comme virus. Je parle d'un point de vue encore une fois ceux qui ont une santé plus ou moins saine. Les autres, oui, ça peut être violent, et ainsi de suite, oui, mais parce que derrière, on n'administre pas les bons conseils et le bon traitement. Bon, là, le coronavirus, et comme d'autres, il permet d'arriver à d'autres situations. Tout simplement, comme les guerres ont permis d'arriver à d'autres états, comme le krach boursier ont permis d'arriver à d'autres états, et ainsi de suite, en fait. Ils se servent de ce virus-là pour pas. Bon, je sais pas qui c'est qui a écrit, j'en ai parlé à un frère qui est là, qui. Voilà. Il y avait une série sur Netflix qui est passée en 2017, je sais pas qui c'est qui a mis ça sur Twitter ou je sais pas quoi, et je pense qu'ils l'ont enlevé cette série. Elle parlait du coronavirus en 2017. C'est, à un moment donné, il faut arrêter. Si c'est quelque chose qui est tombé comme ça du jour au lendemain, dans ce cas-là, on va avoir aucune trace. Mais c'est pas le cas. Donc en fait, ce sont des virus artificiels qui ont été maniés dans des laboratoires et qu'ils ont été obligés, ils ont été sortis pour. Bon là, je vais pas vous faire tomber de haut parce que vous allez en fait, c'est le monde que vous avez dans lequel vous avez vécu, il va se partir, il va se décomposer. Il y a un chercheur dans le domaine de l'économie qui s'appelle Pierre Jovanovic et qui a été vraiment très très loin. Ça fait oulala, ça fait plus de 10 ans que je le suis. Peut-être que tu le connais, Samir. pressant, qu'ils n'en veulent pas, ça, on a tout demandé. Ben oui, mais c'est pour ça, les gens ne vont pas se réveiller, parce que la guidée vient d'Allah, et Allah ne la donne pas à n'importe qui. Et surtout dans ces temps de troubles, il les donnera à ceux qui seront fermes. Les autres qui suivent malgré tout le chemin de ce système, et ainsi de suite, malheureusement, ils ne vont pas le suivre. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. On espère, pour eux, parce que quoi qu'il arrive, on souhaite le bien à tout le monde, on espère qu'un jour ils ouvrent les yeux et qu'il y a un événement qui leur fasse réfléchir. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que le prophète Sansam, il avait dit quoi ? De s'armer avant qu'on tombe dans cette période-là. Parce qu'une fois qu'on tombe dedans, ben, tu vas à peine avoir le temps de te frapper. Et tu crois que tu auras le temps de te poser, de réfléchir, de lire, d'apprendre, de prendre le temps que ça mûrisse. Tu n'as pas le temps. C'est pour ça qu'il nous a demandé de le faire avant. Parce que c'est trop tard. Là, tu vas vivre ta foi, tu vas supporter à travers ta foi ce qui est en train de se passer. C'est pas le moment c'est pas que c'est pas le moment. Bien sûr qu'il y aura toujours, c'est toujours un peu le temps d'apprendre et de s'instruire et de s'informer. Mais il faut d'abord prier dans ses provisions. Et après, tu peux continuer. Alors, base, tu vois. Mais de sortir du néant, wallah, ça va être de plus en plus dur. De plus en plus dur. De plus en plus dur. Pourquoi? Parce que les événements vont être de plus en plus intenses, de plus en plus forts. Ils auront un plus grand impact. Ils seront de plus en plus moins espacés les uns les autres. C'est pas moi qui le dis, je vous dresse pas ce bilan-là pour vous faire peur. Contrairement à certains imams qui, eux, sont vraiment à côté de la, ils sont dans un nuage. Eux, la vie est belle. Donc, pour moins bien, ou sinon ça va passer. On va repartir à la normale. Voilà leur dangerosité. Allah les guide malgré tout. Voilà. On ne souhaite pas le mal aux gens. Et que Allah guide aussi les mêmes. Même ceux qui ne sont pas musulmans, qui commencent à comprendre des choses. Amen. Et donc pour le coronavirus, je vous disais, il y a même des banques et des assurances. C'est un truc de malade, hein, qui misent en fait sur ces événements-là. Sur des moments des périodes de virus, de contamination, ayant des assurances et ainsi de suite. Il y a énormément de sous là-dedans, vous imaginez même pas. En fait, on a des gens au-dessus, des savants fous, qui jouent avec la vie des gens et avec les événements et avec les temps, avec les saisons, avec les épidémies, avec les pandémies, avec les guerres, ils se mettent plein les poches à chaque fois. Et qui c'est qui paye? Ben, c'est les petits moutons. Donc, encore une fois, malheur à nous. Malheur à l'ignorance et malheur à notre ignorance. Donc voilà, le coronavirus, encore une fois, je ne vais pas m'étaler dessus, comme je l'ai dit, Inch'Allah, c'est pas un problème en soi, par contre, c'est ce qui tourne autour. On le voit déjà, le resserrement du confinement, je ne sais pas si c'est le cas, ils en parlent, et c'est possible que c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passera peut-être, de faire en sorte qu'il y a un couvre-feu. Je pense que dans quelques villes, ils ont commencé à en parler. L'autre, là, je ne sais plus comment, il y a un malade mental, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le maire de la ville de Béziers. Et il en parle déjà, en fait. Donc on voit aussi maintenant qu'ils expérimentent dans certaines villes aussi le fait qu'il y a des zones qui, soi-disant, qui ne peuvent pas y aller, ainsi, où ils ne peuvent pas mettre les pieds, donc ils envoient des drones. Ils envoient des drones de reconnaissance, et ces drones de reconnaissance, une fois qu'elles voient des groupes, ainsi de suite, boum, elle s'arrête, il y a le signal, il y a le signal de la, de, comment on appelle ça, de l'alarme, de la police, là. Et il y a une voix. Il y a un truc enregistré qui dit, veuillez respecter nanani nanana et rentrer chez vous, patati patata. Mais, vous savez pas où est-ce qu'on est en train d'aller. En fait, tout ça, ça n'a été qu'un, oui, c'est même pas que dans les films, c'est une réalité. On va être dans un monde totalitaire, dans un monde où la dictature ne sera plus masquée comme elle l'a été aujourd'hui, et à d'autres expériences, je vous ferai part, je vais faire bas. Mais leur objectif, c'est le nouvel ordre mondial. Je vous parle même pas du krach boursier, je vous parle même pas de ce qu'il en est au niveau des bourses, elles sont presque à l'arrêt, ce qui veut dire que les prix des matières premières comme l'or et ainsi de suite est en train d'exploser considérablement. On a le prix du pétrole qui est en train de chuter parce que la Russie est en train de lancer à plein gaz la production. Tout ça, pourquoi? Pour couler les Américains. Vous savez pas qu'on est dans une grosse guerre froide. Les armes d'aujourd'hui ne sont plus des armes comme on l'avait avant, même si on va arriver à cet apprentissage, malheureusement, ils en parlent depuis un certain nombre d'années, et les positions géostratégiques dans le monde cette année. Donc voilà, en fait, il y a un ensemble de choses. C'est pour ça que je ne veux pas que vous arrêtiez sur le coronavirus. Ça va vous obstruer et ça ne va pas vous permettre de mieux réfléchir. Certes, une chose, si tu fais des doctorats, comme on fait des doctorats, quand là, il nous épargne de toutes choses, mais on sait déjà qu'on se prépare à la mort. Pourquoi je vais avoir peur du coronavirus, en fait? Est-ce qu'il est plus fort que la mort? Est-ce qu'il est, même si soi-disant il nous amène à ça? Non, mais en soi, j'avais besoin de ça pour avoir peur? Pour me préparer ou pour... Non, normalement, je sais que je peux partir dans n'importe quel moment en étant en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc le coronavirus, il y a tellement de choses qui se disent. Et le but, c'est de filtrer. C'est une maladie qui se transmet. Maintenant, ça dépend des cas. Il y a des solutions, la preuve, on commence à voir de plus en plus. Soi-disant, le gouvernement et comment on parle et en pour parler avec le professeur Raoul pour soi-disant voir si on administrait ou si on met en place un traitement pour comment s'appelle la population, ainsi de suite, et dans quel cadre et dans quelle condition, tout ça. Derrière, il y a le dépistage qui veulent faire de masse. Forcément, derrière, ils en ont parlé parce que c'est déjà en production, en fabrication, que ce soit des produits qui sont censés préserver, prémunir ou aider. Donc, finalement, le coronavirus, il va atteindre des pics dans quelques temps. Et là, vous allez voir les restrictions, comment elles vont durcir. Vous allez voir aussi au niveau de l'économie. Il nous avait parlé de 15 jours. Moi, je vous l'avais dit même au départ. Ça ne va pas durer 15 jours. Parce que on sait, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils veulent aboutir à travers ça. Ils veulent aboutir en faisant des expérimentations sur les différents outils qu'ils vont avoir besoin pour le nouvel ordre mondial. Que ça soit, comme j'ai dit, les drones, que ça soit les lois liberticides, que ça soit... Oui, mais la 5G, en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. La 5G, malgré tout, ils sont en train de la mettre en place. Mais la 5G, ça va être le cataclysme, entre guillemets, qui va encore plus faire en sorte que les gens soient psychologiquement et psychiquement, mentalement déstabilisé très facilement. Parce que la 5G, en dehors de tous les dégâts qu'elle peut te causer, leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir, à travers toutes ces ondes électromagnétiques qui vont être très, très, très, très basses, de pouvoir atteindre et de toucher l'être humain, c'est-à-dire de manipuler ses émotions. Et il y a un film qui s'appelle il le résume très très bien, en fait. Ils ont des téléphones portables et que cette technologie, en fait, elle est très poussée, et en fait c'est un grand opérateur qui va faire en sorte que toutes les puces elles soient gratuites et ainsi de suite pour que tout le monde achète, bien sûr, hein. Hey, les petites gens, dès qu'ils voient que c'est gratuit et que c'est pas cher, oui, ils vont en acheter 10, 20, 30, 50 et il va garder tout pour lui. Et du coup, ils savent très bien ce qui va se passer. Ta femme, un peuple, tu sais très bien comment il va réagir, hein, dès que tu lui jettes une graine. Voilà. Donc, ces puces-là, une fois que les gens, en fait, ils vont les mettre dans leur téléphone, c'est montré comme ça dans le film. Hein. Mais en fait, eux, ceux qui sont derrière, ils gèrent tout ce réseau. Et en fait, ils vont déclencher un truc dans le téléphone, ça va faire comme une sonnerie, ainsi de suite. Attention, je dis pas que ça va se passer comme ça, et c'est comme ça qu'ils vont faire. Mais c'est dans le film, c'est imagé comme ça. Et en fait, dès que la sonnerie se déclenche, tout le monde pète un plomb, et ils s'entretuent, ils se tarapillent, et ça se tue à droite, à gauche, ils se reconnaissent plus les uns les autres. il y avait un en fait, là, il y avait un agent secret, et en fait, il savait ce qui allait se passer. Il a enfermé son petit-fils, son petit-frère, dans la salle de bain. Et lui, il n'était pas là, en fait. Et sa mère, donc la mère du fils, elle partait vers la salle de bain pour tuer le fils, pour tuer le petit. Heureusement que donc le gars, il avait fermé. En fait, c'est ce qui va se passer avec cette technologie. Ils vont pouvoir nous contrôler sans même qu'on le sache, sans même qu'on le décide. C'est déjà le cas, mais très subtilement. Les gens pensent qu'ils ont un droit de choix et de regard sur leur vie, sur leur manière de réfléchir, alors que non, c'est pas le cas. En fait, je lui ai dit, même au niveau du mal au cul, la majorité des gens sont touchés. Mais c'est très subtil, en fait. C'est très, très subtil. Ils vont pas venir comme ça à se déclencher, à faire des fous. Non. C'est des pions qu'ils ont placés et ils attendent le bon moment pour que ça se déclenche et pour qu'ils puissent prendre les commandes du corps. Donc, technologie-là, la 5G, elle va avoir pour effet, entre autres, ça. Pas que. Mais entre autres, ça. Donc, ça atteint autant le système immunitaire, une dictature intelligente. Et justement, en fait, tous ces outils vont leur permettre de rentrer dans cette dictature, mais sans que les gens le sachent, sans que les gens le demandent. En fait, c'est comme là, on voit très bien que qui c'est qui fait, on va dire, la police, qui c'est qui fait ? C'est les gens. Les gens se font eux-mêmes les propres avocats, les propres gendarmes et les propres policiers du système. Ah, t'as vu, il a pas mis son masque. Ah, t'as vu, c'est pas un truc, nanana. Et bientôt, il y aura cet acte de délation qui sera voulu par le système. Ceux qui font pas ci, pas ça, vous pouvez les dénoncer. Bientôt, ce système, en fait, il est en train de se resserrer. Ceux qui feront des morts seront absents. Leur code et leur loi. C'est une dictature qui porte son nom, c'est le nouvel ordre mondial. C'est un nouvel âge. En fait, plus concrètement, c'est le gouvernement de l'antéchrist, parce que maintenant, il doit être présent. Pourquoi je dis maintenant, pas demain après demain. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour qu'ils le mettent sur le trône et qu'ils finissent son travail. Qui est quoi? D'égarer la majorité des gens qui sont déjà prédisposés à être égarés. Le fait de demander à voter, de participer dans les lois, de participer dans le système, c'est pas que ça me tue moi personnellement, mais en tant que musulman, je le comprends pas. Ce nationalisme, mais pire que les nationalistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plus français que les Français. Ils veulent plus de mais c'est pas croyable. T'as pas d'autre chose à faire pour être, je sais pas, de défendre les terres de tes grands-parents. Avoir, on va dire, un peu de fierté pour ton peuple, pour ta civilisation, pour ta communauté. C'est pas quoi, bon. Donc, du coup, en fait, il y a un ensemble de choses qui sont en train de mettre mes frères et sœurs. Donc, il y a un ensemble de choses, et ces choses, en fait, ne servent qu'à expérimenter et commencer à mettre des bases du nouvel ordre mondial. D'accord? Il y a toute une mascarade auprès des politiques. Vous n'avez pas vu tous les scandales? Comment ça se fait qu'ils sortent, en fait, tous ces scandales politiques de la pédocriminalité mondiale, tout ce qui est drogue, là, avec Gérard Fauré? Ça fait des années qu'ils commencent à y parler. Mais c'est un truc de malade. Donc, on voit une autre manipulation, c'est quoi? C'est de décrédibiliser les politiques. Pourquoi? Comme ça, les gens auront marre, en fait, de ce système-là et vont demander un autre système. Vous voyez? En fait, leur plan, il est vraiment diabolique. Ce qui fait que, ça, je vous dis de réfléchir, de regarder, vous allez vous faire mal à la tête. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se prémunir, se préserver à travers, comme le professeur Sabine nous a dit, c'est pour ça que j'essaie de m'accrocher sur ces deux bases-là, qui est Al-Qur'an et la Sunna. Voilà. C'est ça qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que, en voyant qu'on s'attache à cela, Allah va nous sauver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a dit. Donc, moi, je suis, bête et discipliné. Il l'a dit, je fais. Le résultat, c'est sûr. Partiellement, totalement, non, même. Dans tous les cas, c'est sûr. Et la preuve, on a quand même un, plus ou moins, je ne vais pas dire un train d'avance, parce que un train d'avance, ils ont des siècles d'avance. Mais on arrive à suivre le pas. Il y en a d'autres qui sont complètement... voilà. Donc, cette manipulation, ou du moins ce coronavirus, n'est qu'un moyen pour leur permettre d'expérimenter des choses, de faire des tests sur la société, comment on appelle ça, et de pouvoir préparer les prochaines étapes. Est-ce que c'est le crack financier qui va, bah lui il va tout ramasser, et petite crise alimentaire qu'on va vivre à cause de justement un baisse considérable d'activité et on va puiser énormément sur les stocks. Donc à un moment donné, il va y avoir forcément moins de stock par rapport à la demande. Il y aura une mini crise alimentaire qui peut se transformer en, du coup, c'est eux qui vont déterminer qu'est-ce qui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire dans certaines villes. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a des policiers qui maintenant vérifient est-ce que quand vous faites vos courses, vous prenez les produits de première nécessité ou l'autre il achète des trucs pour faire la fête. Donc, bientôt, on va avoir des restrictions. Vous ne croyez pas que ce monde et ce système, ceux qui sont posés par l'Occident, excusez-moi du truc, hein, de croire que ces gens-là ont été des bienfaiteurs, ont essayé, ont voulu, ou soi-disant, il y a un semblant, comme beaucoup de gens sont dupés par ça, c'est « ouais, mais il y a une justice sociale, ouais, mais t'as vu, il y a quand même au niveau de la santé par rapport à certains pays, il faut arrêter. Quelle santé ? C'est, leur santé, elle tue. Mais je préfère même pas être soigné. Et finalement, est-ce que leur médecine était tout le temps là et depuis la nuit des temps? Non. Cette médecine, elle a même pas un siècle. C'est, comment on peut fonder des certitudes sur des choses qui viennent à peine de naître? Tandis que la médecine naturelle, classique, à travers la médecine prophétique, ou la médecine chinoise, ou les médecines par les plantes, et ainsi de suite, elle est connue, reconnue, validée et unanime. Comment ça se fait qu'ils nous l'ont enlevé sans qu'on bronche? Pareil pour notre argent, nos épargnes, ainsi de suite. On ne contrôle plus rien, ni notre vie, mais pour nous, ils nous font croire qu'on a un droit de regard dans notre vie, dans nos dépenses, dans nos déplacements, et c'est faux. Qui c'est qui croit ça? Enfin, malheureusement, il a dit. Donc le système occidental, ce qu'il est en train de préparer, c'est une prison à ciel ouvert, mais que ces chaînes seront dans nos esprits. Et ça va venir. Ils ont déjà commencé à interdire d'importer certaines plantes. Ils ont commencé aussi, maintenant, tu as bien vu avec soi-disant ces faux cas de figure de quelqu'un qui a fait la hijama ou la rupia et la personne elle est morte ou elle était. Ils prennent en fait des cas isolés comme ça et ils en font des généralités où ça leur permet de légiférer. Ben oui, parce qu'ils savent très bien au fond qu'est-ce que ça fait comme effet. Et ils savent très bien avec leurs colocataires qui sont avec eux parmi les chayatines qui doivent leur bien sûr, les inciter à arrêter ça parce que ça les détruit. Parce que c'est une médecine qui est, elle est, c'est même pas, elle est sûre. Une médecine qui vient de sept cieux. Elle est indiscutable. D'accord? Et cette hygiène-là, elle a été révélée par les anges. Ou transmise des anges au prophète. Et qui c'est qui l'a transmise aux anges? C'est Allah. Donc, on a des méthodes de soins, en fait. On a plein de méthodes. Mais le problème, c'est que cette médecine corrompue a envahi tout, a manipulé les esprits en leur faisant croire qu'ils connaissaient mieux et qu'ils étaient plus instruits et qu'ils étaient plus scientifiques parce qu'ils sortent des sortes de je sais pas quoi, comment ils appellent ça, leurs outils, là, pour voir au microscope, des microbes, et je sais pas quoi, ils font des recherches, les labos, ils te mettent des masques avec eux, soi-disant l'hygiène. C'est du bidon, tout ça. Tout ça, c'est pour mettre de la poudre aux yeux. Pourquoi leur médecine, elle fait autant de morts? Pourquoi leur médecine, elle ne soigne pas? Pourquoi leur vaccin déclenche des effets indésirables ou certaines allergies chez certaines personnes? Pourquoi leur médicament crée beaucoup d'effets indésirables et des fois, elle déclenche aussi d'autres maladies? Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc voilà pourquoi en fait, il faut faire très attention aux informations qu'on puise, d'où est-ce qu'on les puise Et je vous dirais une chose, hein, sincèrement, pourquoi on l'épuise en fait? Est-ce que c'est pour faire des recherches ou est-ce que c'est pour se nourrir en fait? Si c'est pour vous nourrir de ces informations-là, je vous dis sincèrement, hein, c'est une poubelle, vaut mieux la mettre c'est une poubelle et vaut mieux la mettre à sa place, c'est-à-dire dans la poubelle. Maintenant, si c'est pour faire des recherches, ainsi de suite, oui. Et malheureusement, la télé a pris une place dans notre vie, même pas que la télé, tout ce qui est ces outils-là. Est-ce que les gens réfléchissent un peu? Non. Notre mal et notre maladie, et notre mal-être, au fond, il est dans tout ça. Donc voilà, pour le coronavirus, par rapport à ce qui se passe, ne vous arrêtez pas au coronavirus. Il y a une arnaque derrière. Regardez, encore une fois, dans des médias non dominants ou des médias indépendants. Je peux vous envoyer des liens, mais bon, après, c'est pareil. Moi, malgré tous les médias, je n'avale pas, en fait. Je prends pas mal d'informations et avec mes informations, je me donne une ligne de conduite ou une ligne de réflexion et j'essaie de développer ça. Mais je ne bois pas de tout ce qu'ils disent. Après, je vous le recrache. D'accord? C'est ça où on va aller, en fait. Tu vois, donc, et ça, les gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas leur plan final. Puis si nous, alhamdoulilah, vu qu'on sait un peu où est-ce qu'il va l'amener, on comprend en fait tout ce qu'ils sont en train de mettre. On ne le comprend pas avec les explications qu'eux, ils donnent, mais selon ce que nous, on sait, ou vers quoi on est en train d'aller. Donc, bref, en tous les cas, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas. Je vous le conseille en tous les cas, le livre de la fin des temps, achetez-le et lisez-le. Ça serait bien qu'on peut-être on fasse une lecture sur les signes de la fin des temps, histoire de voir un peu ce qu'il en est. Parce que ça aussi, ça nous permet de s'éclairer sur ce qui est en train de se passer. Parce que l'information d'un point de vue occidental ou d'une manière générale du monde, elle est à prendre en compte, mais avec des pincettes. Par contre, l'information qui vient d'Allah et du prophète, on peut la prendre et sans réfléchir. Et on a besoin de ces informations-là pour pouvoir en fait superposer ce qui se passe et voir ce qui est plausible ou non, ce qui est recevable ou non, ce qui va être réalisable ou non. Pour pas rentrer dans des psychoses, parce qu'il y en a, ils sont partis loin. Ceux qui sont trop dans le complotisme, ainsi de suite, ou ceux qui sont dans trop, ils vont trop trop loin. Ils ont délaissé une chose, c'est quoi? Tu vas voir ils font très peu le rapprochement entre le Coran et la Sunna et ce qui est en train de se passer, qui forcément, il y a une société ou une civilisation qui est en train de se relever, ainsi de suite, comment, hein. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que le meilleur des choses, c'est prendre les conseils que le prophète nous a donnés, parce qu'il connaissait mieux notre situation. Il savait mieux ce qu'on aurait besoin à ce moment-là. Et tout le monde n'a pas, il ne dispose pas de suffisamment de temps, comment ça s'appelle, d'intelligence ou de perspicacité ou qui a un accent ou un goût pour la lecture ou pour l'étude ou pour la recherche. Du coup, prenons les conseils qu'il nous a donnés, qui est de s'attacher et de se sauver, entre guillemets. Et on le verra ça dans les hadiths. C'est pas des conseils qui viennent de moi, c'est des conseils qui sont tirés de la Sunna et de ceux qui ont suivi cette voie-là. Et on le voit de toute façon, mais je le vois dans le monde arabe, arabophone. Ils sont de, avant, c'était pas le cas. C'était encore trop frais. Limite, on nous prenait pour des extraterrestres ou pour des. Mais avec le temps, bah, les gens, certains prédicateurs commencent à sentir qu'en fait, si, on approche de la fin des temps. Pas la fin du monde, hein. Une différence entre la fin des temps et la fin du monde. Moi, je vous dis, je vous ai donné une maktaba, elle s'appelle Maktaba al-Bayyina, et vous allez trouver tout dans son site. Le livre, il s'appelle Les signes de la fin des temps. Tu tapes les signes de la fin des temps. Et tu verras. Moi, je vous dis, prenez cette Maktaba comme référence, et franchement, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. Le frère continue à travailler, à produire des nouveaux textes. Les couvertures, elles sont bien, c'est soigné, il s'applique dans son travail, il s'investit pour Allah, et c'est vraiment, je le connais personnellement, je sais que c'est un frère qui a le souci et qui a la jalousie pour sa religion et sa communauté. Et il essaye de produire quelque chose de correct. Je disais, donc en fait, c'est pas si simple que ça. Avec le temps, Inch'Allah, pour celui qui va s'y mettre, à s'informer ou s'instruire, avec le temps, ça va se construire. Mais de commencer à vouloir rentrer dans des déductions, dans des affirmations, pour les débutants, vaut mieux prendre le temps. Vaut mieux prendre le temps et garder son esprit frais pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de confinement. C'est une question de temps. Moi, je vous dis une chose, commencez déjà à réfléchir, parce que j'aimerais pas parler de après le confinement, parce que ça va changer. Non. Donc, après le confinement, ouais, en plus, je vous ai dit, le confinement, on parlait du confinement, ils ont dit 15 jours, j'avais dit qu'il n'y a pas de dire 15 jours, parce qu'on sait qu'est-ce qui se trame derrière. Et je vous dirais même qu'il ne durera pas un mois, il va durer encore plus. Et non, il va durer au moins 2 mois, 3 mois, voire peut-être... En fait, ça dépend de comment ils vont voir, comment ils arrivent à manipuler le peuple. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tout traiter maintenant et s'arrêter à vouloir rentrer dans plein d'analyses alors qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Par contre, ce qu'on peut traiter ou ce qu'on a pu traiter au jour d'aujourd'hui, c'est le cas du coronavirus. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que c'est naturel ou pas ? Non, c'est pas naturel. C'est des gens qui l'ont créé pour détruire des gens. D'autres groupes dans la société vont s'en servir pour économiquement s'en mettre plein les poches. D'autres, ça va leur permettre de pouvoir mettre en place des lois liberticides. D'autres, ça va leur permettre de... En fait, chacun travaille, en fait. Chacun travaille avec cet outil-là. Chacun en fonction du corps de métier dans lequel il est, ou dans le corps de manipulation dans lequel il est. Voilà. Donc, mais là, on est dans une autre phase. C'est pas pour rien qu'on voit aussi, on s'appelle le fait que cette technologie, l'intelligence artificielle, je n'en parle même pas. Mais c'est ce qui est en train de c'est ce qui va forcément être rajouté ou être équipé via les drones et ainsi de suite. L'intelligence artificielle. On peut faire beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'abord de faire des savons. Parce que on n'a pas été mandaté ou envoyé pour une mission. La seule mission qu'on a, c'est d'adorer Allah et de s'écarter de Tarout, ce qui est adoré dans Allah. Première des choses. Deuxième des choses, savoir dans quel monde on vit et dans quelle situation on est pour se prémunir et utiliser ce qui nous est propre dans notre époque, c'est-à-dire les hadiths et les rappels et les conseils du professeur Sam et des compagnons de ceux qui nous ont suivis dans notre cas de figure. Et de pas essayer de croire qu'on va pouvoir informer les gens. On va en parler aux gens. Il y en a, ils vont être réceptifs et d'autres, non. Par contre, il faut que tu gardes ton chemin. Tu me suis, tu ne t'attaches pas et tu ne t'accroches pas avec des gens, à moins que d'autres partagent les mêmes objectifs. Là, à ce moment-là, c'est toujours mieux d'être accompagné ou d'avoir d'autres personnes, c'est sûr. Mais sinon, vaut mieux partir déjà dans son état, dans son esprit, que tu es seul. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Au milieu de chemin, si quelqu'un te lâche ou quoi, tu ne feras pas marche arrière. Tu vois. Donc, le but, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à faire. Pourquoi ? Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de la masse. Il ne nous a pas demandé de faire des choses. Il nous a demandé de l'adorer et c'est lui qui s'occupe des choses. Et à ce moment-là, il nous préservera, il nous facilitera et peut-être il nous fera participer. Et ça, c'est dans un verset où Allah a dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se changent pas eux-mêmes. Donc la première des choses, c'est qu'on revient au Coran et à la Sunna seule sur la compréhension des compagnons, des tabi'in, des atba'at tabi'in et ceux qui les ont suivis dans la bonne foi. Donc déjà juste ça, mais ça va changer considérablement ta vision des choses. Et là, à ce moment-là, tu vas te sentir, on va dire, engagé dans certaines choses, dans certaines actions. Parce que tu vas voir qu'Allah, il t'a facilité dans certaines choses. Donc, tu vas commencer à vouloir participer, et ainsi de suite. Mais on ne précipite pas les choses. On ne commence pas à se prendre pour, alors qu'on n'a aucun élément. D'accord ? Avant de... En fait, il faut laisser Allah faire les choses. C'est pas qu'il faut laisser Allah faire les choses. Ça fait Allah. Ben, quelque part, oui, mais il faut qu'on fasse ce qu'il nous a demandé de faire. Et à ce moment-là, il nous dit. Et on verra sur quoi il nous dit. C'est le prêche, c'est je sais pas, quelqu'un qui s'est spécialisé dans un domaine de médecine, dans, je sais pas, mais dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Pas des koufars, des koufars et des mouchriquins. En soi, je n'ai rien contre eux, à part le fait de ce qu'Allah le reproche. D'accord ? Mais il me semble qu'on est une communauté, il me semble qu'on avait une civilisation, il me semble qu'on avait des États, ok ? Ce n'est plus le cas depuis un certain temps, mais quand est-ce qu'on revient ? On revient à la maison ? On reste chez les invités ? On reste chez les invités, en plus on n'est pas des invités, on n'est pas la bienvenue apparemment. Donc voilà, bref, à un moment donné, il faut recentrer les choses. La première des choses sur lesquelles on va rendre des comptes et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est notre situation tous individuellement. Première des choses. C'est pour ça que je dis la première des choses, c'est le Coran et la Sunna. Deuxième des choses, une fois qu'Allah va nous éclairer, on va avoir une orientation. Et là, nous, à nous de développer, de se donner les moyens de. Et au fur et à mesure, tout doucement, il y a beaucoup à faire quand même. Et après, si Allah il voit vraiment du bien en nous, pas spécialement en moi ou en toi ou en nous, en la communauté, et ben il va les aider à changer et à changer de manière maintenant collective. Et de prendre après à un moment donné de les amener, de les pousser à vouloir en redevenir indépendants, recréer leur système et leur état, vivre leur religion et s'épanouir entre eux. Donc, quand on écoute justement ces prédicateurs qui nous intéressent, c'est un état islamique. En fait, on est bien. On n'a pas de projet ou d'objectif, on n'a pas en avoir. C'est pour ça que tout ce qui est question de l'Hijra ou du Jihad, des choses comme ça, c'est des questions qui leur fait peur. Parce qu'en fait, là, on demande à être autonome, mais lui, ils ne sont pas prêts à être autonomes. Donc voilà, j'ai fait un petit crochet, on va s'arrêter là, je voulais pas rester trop longtemps. En tous les cas, le coronavirus, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, jeudi, Inch'Allah, on s'attardera et je pense clôturera totalement, mais de temps en temps, on fera des crochets pour voir s'il n'y a pas des nouveaux rebonds par rapport à ça et essayer de vraiment de se recentrer ou de lui redonner sa bonne lecture. D'accord? Mais sinon, on essaiera d'évoluer parce que c'est ça le but, en fait, c'est d'évoluer sur d'autres sujets qui vont nous permettre d'avoir une meilleure approche sur les prochains événements, parce que le corona est un fait, mais il y en aura d'autres. Donc si à chaque fois on doit prendre toutes ces informations de plein fouet et les comprendre comme eux veulent nous les faire comprendre, et ben on est encore dans la manipulation. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Je m'arrête là. Facilité, walhamdulillahi rabbil alamin. Tabat al-ilm. Les étudiants. Allahumma shfina wa shfi mardana wa marda al-muslimin. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعذبون اللهم أرنا عجائب من قدرتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كثيرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Désolé si ça a été long, mais j'espère que ça a été...